tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Faites sauter les banques », une série de Rémi Libowski-Douat réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a de la méfiance pour ces banques fragiles qui semblent toujours plus riches, de l'inquiétude face aux crises boursières ou des montages financiers à la lisière de l'honnêteté. Et finalement, une forme de défiance pour les banques, notre banque, ma banque. Alors pour commencer, les personnages. Un président inspecteur des finances puis banquier, un autre dont l'ennemi devait être la finance, des directeurs de banque, des ministres des finances et des vigies. Ensuite le décor. L'ENA, le Luxembourg, les îles Caïmans, le Panama, des tableaux de chiffres, la zone grise, la privatisation, Bercy, Bruxelles, de l'arrogance et la crise de 2008. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ne comprend rien, mais peut-être que c'est fait exprès. Dans ce métier, il y a énormément d'erreurs. Mais sinon, tous les individus qui appartiennent à des banques, ils sont obligés de justifier leurs décisions. Et donc, ils ont un schéma de justification. Ils ont un calcul. On s'est intéressé aux 20 plus grandes banques européennes et on s'est aperçu qu'il y a un décalage très important entre ce qu'elles déclarent en termes de bénéfices dans les paradis fiscaux, à savoir, elles déclarent plus d'un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Et si on compare à des indicateurs d'activité économique réelle, par exemple leur nombre d'employés, tiens, elles n'ont que 7% de leurs employés dans les paradis fiscaux. Des fois, ça marche pas, souvent, ça marche pas. La quasi-totalité des grands dirigeants bancaires viennent de ce qu'on appelle la botte de l'ENA, c'est-à-dire les 10 premiers qui sont inspecteurs des finances. Et ces gens-là se retrouvent d'abord à Bercy, dans un bureau où ils vont surveiller un service, où ils vont surveiller les autres banques. Ils vont être dans les cabinets ministériels. Et puis après, pour pouvoir multiplier par 5 ou 10 leur salaire, ils vont pantoufler, c'est-à-dire se retrouver de l'autre côté de la rue, au siège d'une grande banque. Et donc ça crée comme ça un climat de connivence caractéristique du système français. Est-ce que vous êtes un économiste ou vous êtes un banquier ? Qui nous parle ? Je mélange jamais les gens, c'est-à-dire que je suis en permanence en situation de conflit d'intérêts, entre guillemets, mais les conflits d'intérêts, ça se gère. On ne peut pas fonder toutes les relations économiques. On ne peut pas fonder toutes les relations économiques sur quelque chose qui est fondamentalement incapable de produire de la valeur. Nous sommes dans une période dans laquelle le problème est davantage de bien réguler que de plus réguler. Banquier pantouflard et lobby bancaire. Pourquoi est-il si difficile de réformer la banque ? Rémi Douat, Assia Khalid. Pour ce qui est de la transparence des opérations, j'ai mal noté. Les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour... En ce qui concerne les paradis fiscaux, les choses me paraissent d'une très très grande simplicité. Cette question est une question qui concerne les gouvernements. Nous n'avons pas d'objection à ce que interviennent des législations coordonnées au niveau international pour faire disparaître telle ou telle pratique fiscale qui apparaîtrait inopportune à l'échelle internationale. Mais nous ne sommes pas responsables des pratiques fiscales dans les différents pays dans lesquels nous opérons, sincèrement. La question des paradis fiscaux est une question que j'estime pour ma part d'autant plus difficile que pendant une partie de ma vie professionnel, monsieur le président, et comme président de banque, j'ai eu à faire face à une administration fiscale qui, à certains moments, a considéré comme paradis fiscaux les pays voisins de la France, y compris l'Allemagne fédérale et la Belgique. Donc, à partir du moment où vous avez vécu ça, le concept de paradis fiscal, c'est un concept qui prend une couleur tout à fait relative. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une question qui, pour le coup, cette fois-ci, est très au-dessus de la modeste condition du banquier que je suis. Pour le président de BNP Paribas, Michel Pébreau, ici en audition à l'Assemblée nationale en 2009, l'évasion fiscale ne concerne pas vraiment les banquiers. Les banques attendent donc du législateur qu'il fasse advenir de meilleures pratiques, plus transparentes et éthiques. On peut croire Michel Pébreau sur parole, mais on peut aussi regarder les forces en présence à Bruxelles. Le secteur financier emploie 1700 lobbyistes tandis que seuls 400 fonctionnaires ont en charge la question de la régulation des marchés. Les défenseurs de la transparence ont récemment obtenu une belle victoire. L'obligation pour les banques de publier un bilan annuel complet. Il doit inclure les filiales et leurs activités pays par pays, le produit net bancaire, le nombre de salariés, une vraie mine d'or à disposition de tous. J'ai donc demandé un exemplaire à ma banque, la BNP. J'y apprends que les actionnaires sont très heureux, que la BNP est la banque d'un monde qui change et que la responsabilité sociale est, je cite, « très importante pour son directeur Jean-Laurent Bonafé ». Bref, de nombreuses bonnes nouvelles. Et puis, comme le document est très long, je me perds ensuite un peu dans les tableaux et les graphiques et j'ai besoin d'aide. Je rencontre Manon Aubry avec l'ONG Oxfam et Fair Finance Guide International. Elle a mené pendant plus d'un an une étude sur les pratiques fiscales de 20 banques européennes. Le diable se cache souvent dans les détails, et quand on regarde dans les détails, il y a quelque chose qui s'appelle le reporting pays par pays public, où l'entreprise, donc la BNP, doit reporter son activité dans chaque pays là où elle est présente et son impôt payé. Donc concrètement, elle doit présenter les bénéfices réalisés, le nombre d'employés, son chiffre d'affaires, etc., ainsi que le volume de son impôt payé dans chacun des pays dans lesquels elle a une activité, ne serait-ce qu'une filiale. Alors moi, je l'ai demandé, ce document, donc à la banque. Il le donne sans difficulté, et pour cause, c'est obligatoire maintenant. Oui, en effet, il y a une obligation européenne, une directive européenne qui a été d'ailleurs anticipée en France par la loi bancaire française de 2013 et donc petit à petit mise en place depuis 2015, qui prévoit en effet cette obligation de transparence faite aux banques françaises et depuis maintenant aux banques européennes de publier ces informations dans leur reporting annuel. C'est un document qui est assez dense, assez touffu. Est-ce qu'il est à la portée de tout le monde, ce document ? Non. Clairement, si vous demandez à n'importe lequel des utilisateurs de la banque BNP de déchiffrer ce rapport annuel, déjà, il va y trouver... c'est un document qui fait plusieurs centaines de pages, d'une part. D'autre part, c'est des informations qui sont très techniques à décrypter. Et au final, c'est difficile pour un utilisateur lambda d'avoir une visibilité globale sur l'activité de l'entreprise. C'est, il faut pas l'oublier, un rapport d'une telle entreprise comme BNP, c'est essentiellement à destination des investisseurs. Donc le but, c'est que la banque convainque les investisseurs de la bonne tenue de l'entreprise. Dedans, il y a des obligations de transparence, mais elles sont souvent cachées, nichées, et il faut pouvoir les interpréter. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider justement là ? Alors, par exemple, si on cherche ici le reporting public, donc cette fameuse obligation de transparence faite à BNP, on se retrouve déjà avec un document qui fait plusieurs centaines de pages. Si on regarde Panama, mais ça marche aussi avec Cayman Islands, alors faut jongler entre le français et l'anglais, on trouve ce fameux tableau. Et par exemple, pour les îles Caïmans, on découvre de cette manière-là qu'on a 39 millions de chiffres d'affaires qui sont déclarés, pour un bénéfice de 134 millions. Donc déjà, premier indice, aux îles Caïmans, on a un bénéfice qui est bien supérieur au chiffre d'affaires. Donc c'est comme si vous vendiez quelque chose et vous dégagez des revenus plus importants que votre prix de vente. Et puis surtout, on n'a pas d'impôts payés. Et puis encore mieux, on a tout ça réalisé sans employé. On voit « current tax expense zéro ». Exactement, « deferred tax », c'est deux types de taxes sur l'année, ou, sur l'année en cours ou sur l'année précédente. Et donc au final, ça fait zéro en corporate income tax. Et on a aussi le nombre d'employés, c'est headcount, et on a zéro personne. Donc on a la BNP qui déclare 134 millions de bénéfices aux îles Caïmans pour seulement 39 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas d'impôts payés, pas d'employés. Alors comment cet argent transite ensuite jusque dans les comptes de la BNP ? C'est de l'argent qui est réalisé sur un territoire, que ce soit en France ou ailleurs, et qui est transféré artificiellement vers ces pays, Hong Kong par exemple. Une autre utilisation aussi que peuvent faire de la banque dans ces paradis fiscaux, faut pas oublier que la banque c'est un intermédiaire. Donc ça peut être le cas notamment des îles Caïmans, où ils servent les intérêts de clients très fortunés qui eux-mêmes veulent échapper à l'impôt. On peut penser par exemple à un achat de yacht réalisé aux îles Caïmans pour pas payer d'impôts aux îles Caïmans, et donc ça fait de l'argent qui transite dans les comptes de la BNP, et surtout sur lesquels la banque dégage des bénéfices. Il y a plusieurs hypothèses derrière, c'est difficile à l'établir. Toujours est-il qu'au final, c'est de l'argent qui est réalisé officiellement par la BNP Paribas dans des paradis fiscaux, mais qui ne tient pas d'une activité vraiment réelle dans ces pays-là. Alors, moi, je vous ai montré donc le reporting de la BNP, puisque c'est ma banque, mais est-ce que c'est une exception ? Absolument pas. Si on regarde à l'échelle de l'Union européenne, on s'est intéressé aux 20 plus grandes banques européennes, et on s'est aperçu qu'il y a un décalage très important entre ce qu'elles déclarent en termes de bénéfices dans les paradis fiscaux, à savoir elles déclarent plus d'un quart de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, et si on compare à des indicateurs d'activité économique réelle, par exemple leur nombre d'employés, tiens, elles n'ont que 7% de leurs employés dans les paradis fiscaux. Deux hypothèses, soit leurs employés dans les paradis fiscaux sont très très très efficaces, beaucoup plus qu'en France, soit c'est des bénéfices qui ne devaient pas être déclarés dans les paradis fiscaux et qu'ils sont déclarés pour bénéficier des avantages fiscaux. BNP Paribas n'a pas de présence dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux au sens des dénominations officielles. Jean-Laurent Bonafé, directeur général de BNP Paribas. On nous parle souvent des îles Caïmans. Les îles Caïmans, nous y avons quelques activités. Ce sont des activités de service qui payent leur impôt tout à fait régulièrement. Et vous allez y rester. Et c'est un service de prestation, notamment pour des activités qui se déroulent aux États-Unis d'Amérique. Et c'est totalement en transparence avec les autorités fiscales américaines. Et vous allez y rester ? En tant que de besoin. En prenant les chiffres bruts et les données brutes des banques européennes, pour les traiter, les analyser, il nous a fallu quasiment un an de travail. Un an de travail à redigérer, à analyser, à chercher davantage d'informations pour corroborer ces informations, trouver éventuellement des zones dans lesquelles on estime que le reporting est plus ou moins fiable, essayer de trouver d'autres informations croisées avec des scandales fiscaux qui ont pu exister, par exemple les Panama Papers, et essayer d'avoir une analyse qui fait sens, qui est consistante. Et c'est en réalité énormément de travail. Si je vous montre notre tableau Excel dans lequel on a toutes nos données, c'est colossal. Alors, on a ce tableau ici. Ça, c'est le résumé, ouais. C'est la version simple. Alors, le tableau qu'on a là face à nous, il est frappant. Il est frappant parce qu'on a des banques qu'on connaît bien, avec des chiffres qui sont sans appel en ce qui concerne les paradis fiscaux. Si on prend une autre banque bien connue aussi du grand public, au hasard, la Société Générale. La Société Générale, qui d'ailleurs avait été mise en cause aussi dans le scandale des Panama Papers, elle dégage 22% de ses bénéfices dans les paradis fiscaux, alors que, tenez-vous bien, elle n'a que 4% de ses employés. Si on regarde d'autres indicateurs, elle ne fait par exemple que 10% de son chiffre d'affaires dans les paradis fiscaux. Ça veut dire que l'activité est beaucoup plus profitable, bénéfique dans les paradis fiscaux. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas que le type d'activité est forcément plus profitable, c'est plutôt que les bénéfices réalisés, en tout cas déclarés sur le sol des paradis fiscaux, est artificiel et permet de bénéficier des avantages fiscaux du pays. HSBC, on a 57% de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Une de mes préférées, c'est la Barclays. Barclays a 27% de ses bénéfices dans les paradis fiscaux, pour seulement 5% de ses employés. Mais si on regarde dans le détail, Barclays, au Luxembourg, réalise plus de 550 millions d'euros de bénéfices, le tout avec 13 employés. Vous imaginez la productivité de ces 13 employés qui, sur leurs épaules, font fructifier l'activité de la banque au Luxembourg et réalisent plus de 550 millions d'euros de bénéfices. Donc c'est autorisé d'avoir 5 salariés au Luxembourg et de faire la majeure partie de son chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, il n'y a pas de règle qui définit un seuil à partir duquel une activité est considérée comme factice et vous avez trop peu d'employés pour trop de volume. En revanche, ce que pointe le rapport, c'est qu'en effet, il y a une tendance très importante dégagée ici dans les paradis fiscaux, à savoir beaucoup de bénéfices pour relativement peu d'activités. Il faut après décortiquer dans le détail, banque par banque, activité par activité, pour essayer de trouver les filons utilisés par la banque et savoir comment elle transfère artificiellement ses bénéfices. Et on est sur ce champ complexe, cette zone grise entre le légal, l'illégal. Et les banques, comme toutes les entreprises multinationales, sont passées maîtres dans l'art de jouer avec les définitions un peu floues de ces règles-là et se jouer des règles internationales pour bénéficier des avantages les plus importants dans les paradis fiscaux. Est-ce que vous avez pu chiffrer le manque à gagner global pour les finances publiques au niveau européen ? C'est difficile à chiffrer précisément. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. On parle de plusieurs centaines de milliards d'euros jusqu'à 1000 milliards d'euros de manque à gagner dans les caisses de l'État. En France, on parle de 60 à 80 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Évidemment, tout n'est pas dû à l'activité des banques. Ce sont des chiffres qui circulent sur l'ensemble des pertes fiscales, mais on n'a pas de chiffres isolés pour l'activité des banques, tout simplement parce que aujourd'hui, la transparence qui s'impose aux banques nous permet d'analyser leur activité, mais on n'a pas encore un chiffre précis sur le montant de l'évasion fiscale. Ce serait trop aventuré. Alors, cette obligation de transparence pour les banques, elle est toute neuve. Elle date de 2015. Est-ce que cette transparence peut être de nature à changer les pratiques des banques ? Oui, et d'ailleurs, l'année suivante, la BNP a fermé sa filiale aux îles Caïmans. Donc entre le temps du rapport de l'an dernier et cette année, elle a fermé sa filiale parce que les pratiques des entreprises sont de plus en plus questionnées. Quand on est aux frontières de la légalité et de l'illégalité, il y a quelque chose qui a plus de pouvoir, c'est le pouvoir des citoyens, et donc pour demander des comptes aux grandes banques. Et on espère que, au fur et à mesure des années, c'est trop tôt maintenant pour le juger, mais au fur et à mesure des années, on verra un changement de comportement de la part des banques, et peut-être demain des grandes entreprises, puisque c'est une obligation qui, on l'espère, s'imposera bientôt à l'ensemble des grandes entreprises. Donc on peut imaginer que dans votre prochain rapport, l'évasion fiscale de la BNP soit moins importante ? Alors, on peut imaginer que certains comportements que l'on a pointés ont été modifiés ou ont changé. Malheureusement, dans la lutte contre l'évasion fiscale, c'est souvent le jeu du chat et de la souris. Et donc, quand on ferme un système d'évasion fiscale, souvent, il est remplacé par un autre. Donc, nous, on sera très attentifs sur le reporting de la BNP pour identifier potentiellement d'autres canaux utilisés par la banque pour faire de l'évasion fiscale. Pour remplacer les îles Caïmans. Pour remplacer les îles Caïmans. Est-ce que la fiscalité en France est particulièrement défavorable pour les banques pour qu'elles aient la nécessité d'aller ailleurs ? Alors c'est le petit jeu de on va ailleurs parce que en France c'est horrible. Sauf que il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Le premier, c'est que à ce petit jeu-là, jouer hein, par les paradis fiscaux, de proposer des taux d'imposition les plus faibles ou des cadeaux fiscaux importants aux banques, ça baisse collectivement la manière et le taux d'imposition des grandes entreprises. C'est vraiment une course à la concurrence fiscale qui nivelle par le bas. Le moins-disant. C'est le moins-disant, exactement. C'est le moins-disant fiscal qui nivelle par le bas l'imposition des grandes entreprises, pas uniquement des banques, qui fait qu'au final, peut-être que demain, on ne taxera plus les grandes entreprises. Un tel propose 15%, un autre propose 12%, et à ce petit jeu-là, bientôt, on sera à 0%. Ça, c'est le premier problème que ça pose. Et le deuxième problème, c'est que les banques et les entreprises oublient souvent qu'elles ont besoin de ces impôts-là. C'est-à-dire que si demain, elles ne payent plus d'impôts sur les sociétés, peut-être qu'elles ne bénéficieront plus des services publics. On oublie souvent à quoi sert l'impôt payé. Il sert à l'État à financer des routes, il sert à l'État à financer des infrastructures de manière plus générale, à former des cerveaux. Et ce sont autant d'éléments dont ont besoin les grandes entreprises et les banques pour prospérer. Elles ont besoin d'analystes financiers formés par le système éducatif français. Et ça, il faut qu'elles le financent d'une manière ou d'une autre. Et une manière de le financer, c'est l'impôt sur les sociétés. Alors en 2015, on a écrit un livre qui s'appelle « Le livre noir des banques » entre des journalistes de Basta et des économistes de l'association ATTAC. Et dans ce cadre-là, je me suis intéressée à la question des inspecteurs des finances et de l'IGF et du pantouflage. Agnès Rousseau. J'ai appelé l'inspection générale des finances à Bercy. On m'a dit qu'une liste des inspecteurs des finances n'existait pas. En tout cas, on ne souhaitait pas me la communiquer. Il y a quand même quelque chose, une opacité énorme autour de cette affaire, alors que c'est des personnes qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont dans des postes ta responsabilité et dans un rôle majeur aujourd'hui dans le pilotage économique au niveau du ministère des Finances notamment. Alors comment on explique cette opacité ? Je pense que c'est un grand corps d'État qui n'a pas envie qu'on vienne interférer dans les processus internes. Et c'est un grand corps d'État qui aujourd'hui favorise le fait que ses membres partent travailler dans le privé au bout de quelques années passées dans les couloirs du ministère des Finances. Mais ils n'ont pas forcément envie que des journalistes, que des citoyens mettent un peu le nez là-dedans et puissent voir tous les conflits d'intérêts que ça peut poser. Alors vous avez frappé à la porte du ministère de l'Économie et des Finances, on vous a dit non, ça va être compliqué. Alors du coup, comment vous avez fait ? Alors on a déjà commencé à essayer de reconstituer la liste des inspecteurs des finances. Il y a des inspecteurs qui sont en poste à Bercy. Il y en a à peu près 70-80 qui sont actuellement en poste. Il y en a beaucoup qui sont en mobilité dans d'autres secteurs de l'économie, détachés dans des ministères. Il y en a aussi qui sont démissionnaires. Donc on a essayé de reconstituer cette liste à partir de ce qui existait. Donc il y a beaucoup quand même de données publiques. À chaque fois qu'il y a une nomination de quelqu'un à l'inspection des finances, et c'est publié dans le journal officiel. Donc à partir de tout ça, on a reconstitué une liste et on a été faire finalement la biographie de chacun avec les dates, les secteurs dans lesquels ils ont travaillé, les postes occupés, les employeurs, etc. Donc on a constitué une base de données qui nous a permis d'extraire des statistiques un peu près fiables, même si la base effectivement mérite encore d'être améliorée et précisée. Alors, il y a combien de noms ? Vous avez retrouvé le pédigré de combien d'inspecteurs des finances ? Alors, on a estimé qu'il y avait à peu près 333 inspecteurs. Enfin, en tout cas, dans notre base, il y en a 333. On s'est rendu compte qu'il y en avait plus de la moitié qui partaient à un moment donné travailler dans le privé. Et un tiers d'entre eux, donc un tiers de ces 333, qui partaient travailler dans le secteur bancaire privé. On peut se demander si il est possible de participer sereinement au sein de la direction du budget ou du trésor à la rédaction des futures régulations du secteur financier quand on sait que plus tard on ira bosser dans ce secteur-là, ou est-ce que c'est possible de conseiller en toute impartialité un ministre si on vient soi-même du secteur bancaire. On sait aussi qu'il y a un fort esprit de corps au sein de l'inspection des finances, et donc est-ce qu'on peut donner des avis désintéressés sur le secteur bancaire quand la moitié de ses camarades vont travailler dans ce secteur privé ou le secteur bancaire. Mais comment on explique que 34% de ces hauts fonctionnaires quittent un corps d'État prestigieux pour aller vers la banque ? En fait, ce qui est dit, c'est que à partir de 40 ans, par exemple, ils vont un peu plafonner dans leur carrière, et du coup, s'ils veulent multiplier par 10 ou par 50 leur salaire, ils peuvent aller effectivement pantoufler dans le secteur bancaire. Donc c'est déjà un intérêt, un attrait, on va dire, un appel de la finance qui leur fait des ponts d'or, parce que ce sont des gens qui ont des capacités intellectuelles, ce sont aussi des gens qui ont un carnet d'adresses, qui ont des compétences, qui ont des connaissances aussi du secteur public et des grandes entreprises françaises, puisqu'ils ont travaillé dans des postes clés au ministère des Finances, au ministère de l'Économie. Et puis, il y a aussi une tradition au sein de l'inspection des Finances, et ça, on l'a découvert au travers de notre enquête, qui est que finalement, ils sont incités à partir, ils sont incités à essaimer dans tous les secteurs de l'économie, à polliniser, comme certains le disent, parce que le corps de l'inspection des Finances se pense comme quelque chose de fragile qui pourrait être mis en cause, et donc il faut aller exercer son influence quelque part dans tous les secteurs de la société. Et pour eux, ils ne voient pas du tout le pantouflage comme un problème, parce que pour eux, c'est quelque chose de tout à fait naturel de se mettre au service du rayonnement des entreprises françaises, par exemple. Et en plus, il y a un regard très négatif qui est porté sur ce qui reste, puisque il y a cette impression que si on reste travailler à Bercy, finalement, on a raté quelque chose, c'est un petit peu un échec professionnel, alors qu'effectivement, ceux qui restent sont ceux qui, peut-être, ont l'intérêt général le plus chevillé au corps, mais on les regarde d'un mauvais œil en se disant pourquoi eux sont pas partis, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas assez bons pour qu'on leur fasse des propositions. Il y a un recrutement en France très particulier des élites bancaires. La quasi-totalité des grands dirigeants bancaires viennent de ce qu'on appelle la botte de l'ENA, c'est-à-dire les 10 premiers qui sont inspecteurs des finances. Dominique Plion, économiste. Et donc ça crée comme ça un climat de collusion, de connivence, et Emmanuel Macron en est le parfait symbole, puisqu'il lui-même est inspecteur des finances, lui-même a été d'abord à Bercy dans son début de carrière, il s'est retrouvé chez Rothschild, et puis à l'Élysée, et puis ministre de l'économie, et aujourd'hui président de la République. C'est aujourd'hui ce que Bourdieu a appelé la noblesse d'État, c'est-à-dire cette élite qui se retrouve dans les hautes sphères de la finance, à la fois du côté public et privé, et qui aujourd'hui gouverne. Du coup, ça pose un problème de démocratie, parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'on pourrait appeler le lobby bancaire, le lobby des grandes banques, qui se regroupe donc dans cette fédération bancaire française, est extrêmement puissant et a le pouvoir d'empêcher des réformes importantes. Thierry Aulagnon, nommé directeur de cabinet du ministre des Finances Michel Sapin en juillet 2016, énarque de la promotion Léon Blum avec Martine Aubry et Alain Minc, il a été pendant 15 ans l'un des dirigeants de la Société Générale. Mai 2016, Jean-Jacques Barberis, conseiller du président François Hollande, quitte l'Élysée pour une filiale du Crédit Agricole. Il y a des cas qui ont un peu défrayé la chronique, comme François Pérol, qui a été aussi, lui, salarié de la Banque Rothschild, qui est devenu secrétaire général de l'Élysée, et puis qui, sans transition, s'est retrouvé à la tête de Banque Populaire Caisse d'Épargne, sans accord de la commission de déontologie, et qui, ça lui a valu une mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Et troisième catégorie de pantoufleurs, c'est ceux qu'on le retrouve dans les instances de contrôle et de régulation. Par exemple, François Villeroy de Gallo, ex-directeur général délégué de la BNP Paribas, et qui a été nommé en 2015 président de la Banque de France par François Hollande. Donc il s'est retrouvé quelque part dans une instance de régulation alors que lui-même était banquier, ce qui a suscité de nombreuses réactions. Et puis il y a aussi le cas de Jean-Pierre Jouyet, qui était directeur du Trésor, qui est passé par la banque Barclays France, il est devenu président de la banque Barclays France en 2005, et puis il a été nommé en 2008 président de l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme de la bourse. Ce qui est assez formidable quand même actuellement, c'est que... Jézabel Coupé-Souberan, économiste. Lorsqu'un régulateur, une autorité de marché, une autorité de supervision des banques, voire une banque centrale, recrute pour un poste de direction dans le secteur bancaire, presque tout le monde aujourd'hui considère que tout cela est bien normal, parce que au fond, si on veut avoir l'expertise du secteur bancaire et financier, eh bien il faut recruter les superviseurs, les régulateurs au sens large, les banquiers centraux dans le secteur bancaire et financier. Il faut vraiment se méfier de cet argument. Certes, il faut de l'expertise, mais l'expérience acquise dans le secteur bancaire n'est pas le seul moyen de l'acquérir, d'une part. Et puis surtout, face à l'expertise, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'indépendance. Il faut une absence de conflit d'intérêts. Vous voyez qu'on ne coche pas les deux cases quand on vient du secteur bancaire. Je veux bien admettre qu'on coche la case de l'expertise, même si il y aurait là matière à discussion. Je suis pas certaine que le fait d'avoir travaillé, le fait d'avoir dirigé cet LM, par exemple, puisse donner vraiment de bons outils de réflexion pour penser la régulation financière. Bon, je suis pas persuadée de ça. Mais bon, admettons que ça coche la case expertise. Le fait d'avoir travaillé dans le secteur bancaire ne permet pas de cocher la case indépendance. Et c'est ça, c'est vraiment là le problème. Quand on travaille à la tête d'une autorité de régulation, d'une autorité de supervision, d'une banque centrale, il faut être indépendant. Il faut être indépendant du secteur bancaire et financier parce qu'il faut être le représentant de l'intérêt général. Alors est-ce qu'aujourd'hui, dans la loi, il y a des éléments pour prévenir ces allées et venues entre le public et le privé et les éventuels conflits d'intérêts qui peuvent en découler? Alors aujourd'hui, il est interdit pour un fonctionnaire de travailler dans les 3 années qui suivant son passage dans le privé pour une entreprise qu'il a surveillée ou conseillée. Donc ça, il y a quand même des choses très précises dans la loi. Sauf que c'est la commission de déontologie de la fonction publique qui est chargée de donner un avis de compatibilité ou d'incompatibilité sur ce sujet-là et qu'elle donne très peu d'avis d'incompatibilité. Par exemple, Bruno Bézard, qui était directeur du Trésor en 2014-2016, est passé sans transition. Il a rejoint un fonds financier franco-chinois, KT Capital, en mai 2016, un cas de pantouflage exemplaire et parmi les plus controversés des dernières années, et la commission de déontologie n'a pas vu où était le problème. Alors qu'il y avait en plus un potentiel conflit d'intérêts, puisque c'est un fonds qui est abondé par de l'argent public, et Bruno Bézard était à plusieurs titres impliqué dans la surveillance de la Banque publique d'investissement qui a abondé ce fonds privé. Pierre Mariani, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget. Il en part pour rejoindre BNP Paribas et peu après, il prend la tête de Dexia. La question de l'inspection générale des finances est une question spécifiquement française puisque c'est un corps qui n'existe qu'en France. Mais la question du pantouflage, elle est bien évidemment partout la même en Europe. On se retrouve avec des dirigeants, notamment européens, qui vont pantoufler dans des banques. Alors, je peux citer quelques exemples. On peut citer l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, qui est conseiller de la banque Rothschild en 2006, ou l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, qui est devenu conseiller de la banque JP Morgan, tout comme le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, Peter Mandelson, qui est un ancien commissaire européen au commerce, qui est aussi devenu président de la branche internationale de la Banque Lazare, ou un autre cas encore plus problématique peut-être, Luc Frieden, qui était ministre des Finances du Luxembourg pendant 15 ans, et juste après, quelques mois après, il est devenu vice-président de la Deutsche Bank, la première banque allemande. Manuel Barroso, président de la Commission européenne entre 2004 et 2014, entre en septembre 2016 chez Goldman Sachs. Le lobby bancaire, effectivement, ça semble quelque chose d'un peu confus. Ce sont d'abord des associations professionnelles de banque, dont le métier est précisément de faire du lobbying, hein, c'est-à-dire d'aller représenter les intérêts du secteur bancaire auprès des parlementaires, du régulateur, des superviseurs, etc. Alors, généralement, ces associations de banques, comme la Fédération bancaire française, associent à leur tête une personne issue de la haute fonction publique, et une personne issue du secteur bancaire. Mais ensuite, vous avez toute une constellation. Le lobby a des connexions un peu partout, c'est-à-dire que il peut être présent, par exemple, en France, au MEDEF, présent dans les chaires universitaires. Ces connexions, finalement, elles démarrent très très tôt, au moment de la formation des élites. L'efficacité d'un lobbying, elle se mesure à deux choses. D'une part, c'est leur capacité à empêcher ou éviter les réformes qui pourraient nuire à leurs intérêts. Olivier Petitjean, président de l'Observatoire de la mondialisation. Et en France, on a un exemple éclatant qui est celui de la loi bancaire de 2013. Donc on se souvient que le candidat François Hollande avait déclaré que son ennemi était la finance et qu'il allait notamment séparer, dans la foulée de la crise financière de 2008, les activités de trading et de spéculation des banques de leurs activités de banque de détail, pour éviter justement que l'État, les pouvoirs publics, soient obligés de renflouer les banques qui se seraient adonnées à des pratiques trop risquées et qui auraient des gros besoins de refinancement. Et on a vu petit à petit, dans le processus législatif, comment le lobby bancaire a réussi à mettre la main sur le processus, à s'assurer que c'était des représentants de banques qui préparaient la proposition. Et à tous les niveaux, aussi bien au niveau du ministère des Finances, du pouvoir exécutif, qu'ensuite au niveau du Parlement, ils ont réussi à saborder cette loi, Et de fait, le résultat, c'est que seulement une partie minimale de leurs activités propres, je crois que le chiffre, c'est entre 0,5 et 1%, sont séparées dans des filiales spécifiques, comme c'était l'objet initial de la loi. Donc ça, c'est un exemple, parce que c'était la grande réforme voulue par François Hollande, mais il y a beaucoup d'exemples de moindre importance où ils réussissent à soit empêcher totalement, soit dénaturer une loi comme c'est la loi bancaire, ou alors à repousser indéfiniment une réforme qui ne leur plaît pas, comme la taxe sur les transactions financières. C'est sans cesse repoussé, et finalement, c'est plus ou moins à l'heure actuelle vider sa substance. Ces banques parlent du même bois. Elles sont d'abord reliées dans un organisme, rassemblées dans un organisme qui s'appelle la Fédération bancaire française, qui est le grand lobby bancaire français, présidé à tour de rôle par des patrons des grandes banques d'ailleurs, et elles sont dans une situation d'entente et de collusion. Et au moment où il y a eu la réforme bancaire française, la loi Moscovici dite de séparation des banques, eh bien, les grands patrons bancaires, et je pense par exemple à Frédéric Oudéa, qui est le patron de Société Générale, et qui à l'époque était le patron de la Fédération bancaire française, a témoigné, a été auditionné devant la commission des finances, qui était chargée de préparer les amendements éventuels au projet de loi, et il a eu gain de cause totalement, c'est-à-dire qu'il a obtenu que la réforme soit minimaliste. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même en sortant d'une des auditions, il a dit « Je trouve cette loi très bien, elle ne touchera que 0,5% de notre activité ». Donc, ils ont eu gain de cause sur toute la ligne. Ce qui me fait dire, et je ne suis pas le seul, que si demain on a un nouveau coup de Trafalgar, si un mastodonte bancaire, par exemple, est en grande difficulté et qui peut entraîner dans sa chute plusieurs autres banques, eh bien, on n'aura pas créé avant les digues suffisantes, puisqu'on n'aura pas fait les réformes pour empêcher ce genre de catastrophe. Comme on est sur des sujets très techniques, comment on définit une activité de marché en propre par rapport à une activité de spéculation, etc. C'est les pouvoirs publics sont un peu démunis, on manque de contre-expertise. Et c'est ça qui fait aussi le pouvoir de leur lobby, c'est leur maîtrise technique et la maîtrise de l'expertise que les pouvoirs publics et les députés, à plus forte raison, n'ont pas. Donc on peut remettre en cause la volonté politique de réellement mettre en place une loi plus régulatrice en ce qui concerne l'activité des banques. Bah, c'est une grande question de savoir ce qui se passe dans la tête d'un politique qui cède à l'influence d'un lobby, mais je pense que le secteur bancaire a aussi réussi à faire passer le message qu'il joue un rôle essentiel dans l'économie du pays et que si on s'attaquait à ses intérêts, il y aurait des conséquences néfastes, notamment au niveau, à l'époque, l'argument c'était la dette souveraine française, que la dette souveraine française passerait dans les mains de banques américaines, etc., etc. Donc c'est toujours aussi un argument classique de tous les lobbies et qui est de dire, nous, au moins, on est des banques françaises, donc c'est, d'une certaine manière, on représente la souveraineté nationale. Écoutez, une banque, c'est pas un jeu de Lego. Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale. Vous ne mettez pas les bouts séparés comme ça. Le modèle de banque universelle à la française, il a fait ses preuves. Il a traversé la crise, à ma connaissance, sans coûter aux contribuables. On a plus financé l'économie au cours des 3 dernières années qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. Notre enjeu, c'est un enjeu de croissance. Donc ce qu'on disait simplement, c'est on a déjà beaucoup de problèmes en France. On a besoin de financement. Est-ce qu'on a besoin en plus de casser un système qui fonctionne, alors qu'on peut parfaitement aboutir à le sécuriser? Ce que nous avons dit au gouvernement qui nous a consulté, comme d'autres, hein, il a consulté beaucoup, c'est simplement qu'on ajoute à déjà énormément de réformes extrêmement contraignantes. Une nouvelle réforme avec un régulateur qui est un gendarme, qui va être capable de regarder chacune de nos activités et dire ça c'est dans la filiale, ça c'est dans la maison mère. C'est une contrainte nouvelle qui s'ajoute à d'autres et qui va nous compliquer la vie. Marianne Barbalayani, directrice générale de la Fédération bancaire française. Les contraintes réglementaires, elles ont nécessairement un impact sur le financement de l'économie. Chaque fois qu'il y a une ponction sous une forme ou sous une autre de 1 milliard sur les banques, compte tenu des ratios, etc., on arrive à peu près 10 milliards d'impact sur le financement de l'économie. Donc toutes les ponctions, entre guillemets, qu'elles soient réglementaires ou fiscales, et la fiscalité pèse extraordinairement lourd sur la capacité des banques à continuer à être actives dans l'économie française, eh bien, évidemment, il y a potentiellement un impact. Un des problèmes de l'économie européenne, c'est qu'on manque du capital à risque. Freddy von der Spiegel, chef économiste à BNP Paribas. Toute la nouvelle réglementation va diminuer l'offre du capital à risque. Donc ça peut affaiblir, pas seulement la compétitivité des banques européennes par rapport aux banques américaines, mais aussi la compétitivité de l'économie européenne dans l'économie mondiale. Malheureusement, développement économique sans risque n'existe pas. Et si aujourd'hui les entreprises ont des problèmes à se financer par le capital à risque, les compagnies d'assurance hésitent, les fonds d'investissement n'ont pas beaucoup de succès, et si les banques vont aussi diminuer les risques qu'ils peuvent prendre, ça sera au détriment de la croissance. au-delà, si vous voulez, de l'aspect puissance financière du lobby, il me semble que ce qui est intéressant, c'est de relever que la capture que ce lobby bancaire est capable d'opérer, c'est également une capture des esprits, une capture intellectuelle, par la rhétorique qu'il mobilise en permanence dans les conférences, dans les médias, dans la presse, pour produire une forme d'expertise des réformes, mais extrêmement orientée, avec des éléments de langage, des arguments qui systématiquement vont vous inciter à penser que la régulation, il ne faut pas la pousser trop loin, que ces réformes, attention, elles peuvent avoir des effets pervers. Et ça, ce sont des arguments qui sont, si vous voulez, extrêmement effrayants et qui effraient notamment les gouvernants, surtout dans le contexte actuel. Ça touche le nerf sensible. Isabelle Coupé-Souveran, vous listez trois grandes figures rhétoriques, l'effet pervers, l'inanité et la mise en péril. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun de ces cas ? Oui, alors, les grandes figures rhétoriques, les grands arguments mobilisés par le lobby bancaire pour résister aux réformes, pour installer cette idée qu'il ne faut pas pousser trop loin la régulation financière, ce sont des arguments rhétoriques qui sont bien connus, des arguments réactionnaires, conservateurs. Donc le premier argument, ça consiste à dire, eh bien, la réglementation, la nouvelle réglementation, par exemple, une nouvelle exigence de fonds propres, va avoir un effet pervers, c'est-à-dire que elle va produire un effet contraire à celui qui était recherché. Quel effet recherchait-on ? On recherchait plus de stabilité financière, des banques qui assument davantage leurs risques et qui éventuellement prennent des risques au meilleur endroit. Eh bien, on obtiendra le contraire. Elles feront moins de crédit aux PME. Voilà ce qu'on essaie de nous laisser penser. Cela est faux. Les banques les plus capitalisées sont celles qui ont le moins rationné le crédit pendant la crise. Les banques les plus capitalisées sont celles qui sont le plus orientées vers l'activité de détail et donc vers le financement des PME. À l'inverse, les mastodontes financiers, les grandes banques universelles, sont des banques qui sont peu capitalisées, dont la part des fonds propres, en pourcentage du total du bilan, représente 4 à 5 %. C'est peu. Ça veut dire qu'elles ne peuvent absorber qu'une perte sur leur actif équivalente à cela. Et le régulateur n'en exige pas davantage pour l'instant. Donc elle ne prête pas et elle n'insuffle pas d'énergie dans l'économie réelle. Oui, d'autant que ces grandes banques qui sont peu capitalisées sont des banques qui généralement sont très orientées vers des activités de marché. Alors ça ne veut pas dire, si vous voulez, que toutes les activités de marché ne profitent pas à l'économie réelle. Quand une banque achète sur le marché primaire des titres qui ont été émis par des entreprises en besoin de financement, cela participe bien sûr au financement de l'économie. Mais vous avez tout un pan d'activités, des activités sur titres qui consistent à vendre et acheter des titres à toute vitesse, ce qu'on appelle des activités de trading, et certaines se font, vous le savez, à haute fréquence, eh bien, ces activités-là, elles ne contribuent pas au financement de l'économie, ou très peu. Le deuxième effet de rhétorique fort, c'est l'inanité. Notamment, vous expliquez que c'est ce qui se raconte sur la taxation des transactions financières. L'argument d'inanité consiste à dire tout cela ne sert à rien. De toute façon, vous savez, le système financier, c'est complexe. On perçoit de nouveau toute l'actualité de cet argument à propos de la taxation des transactions financières. Ça ne servirait à rien parce que on n'est pas capable de faire ça à une échelle internationale. Alors, bien sûr que dans l'idéal, il faudrait que cette finance globale soit régulée à une échelle globale. Mais si on attend que tout se fasse à l'échelle internationale pour engager des réformes, eh bien, on ne fait jamais rien. Donc, on peut commencer par des initiatives de moindre envergure, des initiatives nationales, éventuellement, des initiatives régionales. Et il y a une valeur d'exemple. Le troisième argument typique du lobby bancaire, emprunté à cette rhétorique de l'inaction, à cette rhétorique conservatrice, ça consiste à dire que si on régule davantage, si on resserre l'encadrement du secteur financier, on aura moins de crédit, moins de financement pour l'économie, moins de croissance. Or, un meilleur encadrement du secteur financier, aujourd'hui, ce n'est pas moins de croissance. Au contraire, c'est la condition nécessaire pour revenir sur un sentier de croissance stable. Il faut absolument se sortir de la tête cet arbitrage qui est aujourd'hui faux, vu le stade de financiarisation de nos économies, cet arbitrage entre, d'un côté, la stabilité financière et, de l'autre côté, la croissance. Gary Cohn, président de la banque Goldman Sachs jusqu'en 2017, aujourd'hui conseiller économique de Donald Trump. Nous avons rencontré plus de 50 dirigeants et chefs d'entreprise. Nous allons continuer à en rencontrer aujourd'hui. Et la première chose qu'ils nous disent, c'est que le plus grand obstacle à la croissance et à la création d'emplois dans ce pays, c'est la régulation. Notre politique va donc s'attaquer en priorité à la régulation, à la sur-régulation. Et pas seulement sur le marché financier, mais sur tous les marchés. Alors dès aujourd'hui, vous verrez la mise en œuvre des premières mesures pour diminuer la régulation sur les marchés financiers. La chose la plus importante à régler, c'est de faire en sorte que le système bancaire américain fonctionne de nouveau. Nous devons rendre le capital disponible aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs. Aujourd'hui, les banques ne prêtent plus aux entreprises. Elles sont obligées de constituer des réserves de capitaux et elles ne peuvent plus prendre de risques. Il faut remettre les banques sur le marché du crédit. C'est notre objectif numéro un. Benoît Lallemand, secrétaire général de Finance Watch et ancien banquier d'affaires. Ici, on est au cœur du quartier européen à Bruxelles. Donc, on a une sorte de triangle qui est composé par le Parlement européen, la Commission européenne et puis tous les bâtiments du Conseil européen qui sont les représentations des États membres. Et donc, on se trouve vraiment au cœur de ce triangle. C'est pas anodin d'être situé géographiquement à cet endroit-là, un petit peu au cœur du réacteur, de l'endroit où se prennent toutes les décisions concernant le sujet qui nous occupe, la finance internationale et les banques. Non, c'est pas du tout anodin et c'est vraiment lié à la raison même de la création de FinanceWatch. Et pour anticiper un tout petit peu, le fait qu'on déménage l'année prochaine et qu'on va se retrouver juste en dehors de cette bulle ou de ce triangle, c'est pas anodin non plus. C'est qu'on a été très actifs à l'intérieur de cette bulle en défendant autant que possible l'intérêt général, en représentant la voix du citoyen dans ce débat très technique à l'intérieur de ce triangle des institutions européennes. Et on se rend compte que c'est peut-être bien de prendre un petit peu de recul et de continuer à influencer, mais peut-être un peu de l'extérieur. Donc influencer, vous êtes concrètement ce qu'on appelle un lobby. Effectivement, on est ce qu'on appelle un lobby. Et ça, c'est intéressant parce que si vous m'aviez dit ça, en gros, il y a 10 ans... j'aurais trouvé que c'était horrible, que le lobby c'était horrible, c'est les méchants, c'est une pratique antidémocratique, etc. Ce qu'il faut quand même que l'auditeur comprenne, c'est que les institutions européennes en particulier, mais au niveau national je pense que c'est comme ça aussi, ne fonctionneraient pas sans le lobby. Donc un parlementaire européen doit voter sur des législations qui couvrent tous les domaines. Ils sont spécialisés par domaine, mais ils doivent quand même voter sur tous les domaines. Et donc le lobby c'est aussi une façon d'informer les décideurs politiques. Alors évidemment, il y a un déséquilibre très fort dans la représentation des intérêts au niveau du lobby, c'est bien là qu'est le problème. Mais par contre, informer les parlementaires européens ou la Commission européenne ou les représentants des États membres, donc le Conseil, ça c'est indispensable. Mais donc effectivement, on a fait beaucoup de lobbying dans la première phase de notre existence. L'action de FinanceWatch aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, donc 10 ans après la crise, Il y a 3 éléments à notre action. Le premier qui était fondateur et qui était le cœur de notre activité pendant 5 ans, c'était une production d'expertise assez fine sur la réglementation financière d'après-crise, qui est la mise en œuvre de l'agenda de réforme financière du G20 au niveau européen. Et donc c'est un travail de production d'expertise et puis de lobbying. On rajoute 2 éléments très forts dans cette seconde phase de notre existence aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'ils ont manqué, quand on regarde un petit peu l'impact parfois limité qu'on a pu avoir durant les 6 premières années de notre existence. Animation d'un réseau très large d'ONG, de syndicats, de consommateurs, d'universitaires, sur la thématique de transformer le système financier, et de plus en plus essayer d'engager l'opinion publique, qui on le voit bien, est cruciale si on veut changer le momentum politique. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement quand on est ici géographiquement à quelques encablures du Parlement européen? Qu'est-ce que ça signifie faire du lobbying? Ça signifie suivre chaque étape d'une réglementation financière. Donc ça part du niveau zéro où on est dans des discussions complètement off, dans des conférences, dans des débats, dans des réunions informelles, jusqu'à la toute fin du processus qui prend plusieurs années où on est vraiment dans l'implémentation d'une loi, donc la transformation d'une loi ou la traduction d'un texte législatif en termes très techniques avec des chiffres, avec des ratios et des choses comme ça. Donc c'est suivre le processus législatif et intervenir au maximum auprès de tous les intervenants qui ont autorité dans ce débat, en particulier les décideurs politiques, ceux qui vont prendre des décisions sur l'écriture du texte final. Mais donc c'est influencer un texte de loi et s'assurer que ce texte de loi, quand il s'agit de Finance Watch, représente le plus possible l'intérêt général. Et idéalement que tous ces textes de loi qui réglementent le secteur financier mettent ce secteur financier au service de la société. On en est très loin, malheureusement. Parlons, je ne sais pas, d'une banque comme BNP Paribas, qui est presque un État dans l'État. Quel moyen de pression un lobby comme Finance Watch a face à un tel mastodonte? Le moyen de pression qu'on a, quelle marge de manœuvre a Finance Watch, ou quel est le poids de Finance Watch par rapport à BNP Paribas, aujourd'hui, il est dérisoire, soyons clairs. Et une des raisons dramatiques, c'est que les lobbyistes principaux des grandes banques ou des grandes institutions financières sont leurs ministres des Finances. C'est ça le drame. C'est-à-dire que si on avait vraiment des gouvernements, des ministres des Finances, une force publique, voilà, qui joue son rôle de s'assurer que cette finance privatisée, elle a été privatisée, hein. Il faut vraiment garder un recul historique sur la finance. Le système financier, il y a 35 ans, était totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Mais donc, on a totalement privatisé. Donc, effectivement, la logique aurait été, on privatise totalement le secteur financier. Et donc, on a une réglementation très forte qui s'assure que ces forces de marché, au minimum, ne fassent pas de mal et même contribuent à remplir leurs fonctions sociales. Au lieu de ça, on n'a pas ça. On a aujourd'hui des ministres des Finances, des administrations, parfois même de supervision des activités bancaires qui sont déjà sociologiquement, qui étaient sur les bancs de l'école avec leurs amis banquiers, mais qui en plus, dans le paradigme idéologique dans lequel on vit, en bonne entente, sont là pour défendre la compétitivité de ces acteurs. Et donc, c'est ça le drame. Hein. Le citoyen lambda, il a très bien compris qu'on n'a pas changé le secteur financier. Il sait très bien qu'il y a une sorte de hold-up énorme en 2007, 2008, 2009, quand on a renfloué les banques. Il sait très bien que personne n'a payé la note chez ses responsables, que personne n'a été mis en prison, il n'y a pas eu ce genre de procès. Et même, il sait très bien qu'on ne les a pas remis à leur place et qu'ils sont de nouveau en position assez dominante, en position assez arrogante. Contrairement à d'autres secteurs, donc moi j'entendais des gens qui travaillent dans le lobby d'autres secteurs comme le secteur pétrolier par exemple, et on voit que depuis une vingtaine d'années, l'attitude de ces représentants du secteur pétrolier a beaucoup évolué. On est quand même en mode beaucoup plus diplomatique, profil bas. Le secteur financier a toujours été assez arrogant, certainement pendant la période de financiarisation, donc jusqu'à la crise, et en fait il l'est resté. Le dirigeant du secteur financier continue à se considérer d'une certaine façon comme supérieur parce que c'est des activités très complexes que eux seuls comprennent, que ni les politiciens ni la population ne comprennent ce qu'ils font et qu'ils sont absolument essentiels à l'économie réelle. Et donc on a gardé une arrogance très forte comme ça, qui n'aide pas du tout, je pense, la confiance du citoyen. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. So give it back, man. Rendez-nous l'argent. Rendez-nous l'argent. Give us the money back. Rendez-nous l'argent. We need it back. Banquier pantouflard et lobby bancaire. Pourquoi est-il si difficile de réformer la banque? Manon Aubry, Dominique Plion, Jézabel Coupé-Soubéran, Agnès Rousseau, Benoît Lallemand, Olivier Petitjean. Prise de son, Hélène Langlois, Thomas Robinet. Mixage, Pascal Bénard. Bruitage, Sophie Bissens. Documentation, Caroline Chausset, Valérie Ernoux, Michael Simon. Merci à Marguerite Delassa. Coordination, Perrine Carvran, assistée de Marie-Vonne Abolivier. Une série documentaire de Rémi Douat, réalisée par Asia Khalid. Il y a des auditions, il y a des comportements, il y a des éléments nouveaux ce matin, aux jours qui se lèvent, aux qui s'hérissent, face à l'enquête, les risques et les limites. Rendez-nous l'argent, rendez l'argent. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en Suisse, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, les banques à guichets fermés. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre. Rendez-nous l'argent, rendez-nous l'argent, rendez l'argent, rendez-nous l'argent, rendez l'argent, rendez-nous l'argent, rendez-nous l'argent.